6 heures sonnèrent. Binet entra. Il était vêtu d'une redingote bleue, tombant droit d'elle-même, tout autour de son corps maigre, et sa casquette de cuir, à pattes nouées par des cordons, sur le sommet de sa tête, laissait voir, sous la visière relevée, un front chauve qu'avait déprimé l'habitude du casque. Fort à tous les jeux de cartes, bon chasseur, et possédant une belle écriture, il avait chez lui un tour où il s'amusait à tourner des rondes serviettes dont il encombrait sa maison, avec la jalousie d'un artiste et l'égoïsme d'un bourgeois. Il se dirigea vers la petite salle, et pendant tout le temps que l'on fut à mettre son couvert, Binet resta silencieux à sa place, auprès du poêle. Puis, il ferma la porte et retira sa casquette comme d'usage. « Ce ne sont pas les civilités qui lui useront la langue, » dit le pharmacien, dès qu'il fut seul avec l'hôtesse. « Jamais, il ne cause davantage, » répondit-elle. « Oui, » fit le pharmacien, « pas d'imagination, pas de saillie, rien de ce qui constitue l'homme de société. » « On dit pourtant qu'il a des moyens, » objecta l'hôtesse. « Des moyens, » répliqua M. Homais. « Lui, des moyens. Dans sa partie, c'est possible, » ajouta-t-il d'un ton plus calme.